بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. تخرج كمان تبع أبو تيمية خليل المقتنيكي حفظه الله تعالى. 42 لسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hier, il y avait trois masaïls qu'on avait oublié de citer dans le Khurasa, dans tout ce qui était passé dans le kitab de Nawaqid al-Wudu. On a oublié les trois dernières qui avaient été rajoutées. Qui sont, on avait dit quoi ? Ma masatu al-nar, ce qui était touché par le feu. Et que le sahih, c'est que c'est le jugement qui était plus effectif. On avait pris quoi ? Ridda, l'apostasie. Il y a un khilaf, la masala. Shir lui voit que la ridda, ça annule l'Wudu. On avait pris quoi ? L'humidité contenue dans le vagin de la femme. Et qu'à la cause sahir, ça annule l'eau. Parce que ça sort du mal. Non. Voyez. Fal'an abda fi adab qada il haja. Qui est le comportement adopté lors de l'accomplissement des besoins. Besoins naturels. Mazalna fi kitab et tahara. Toujours dans le livre de la purification. Fabada bi kalam et sanani fi subul salam. Fakala. Que. Le terme al-haja, à la base haja, en français, ça veut dire besoin. On dit haja il est kazan, c'est j'ai besoin de telle chose. Mathalan haja, donc en arabe, en français, c'est pareil. Donc haja, il dit, kinaya ad-khuruj al-bol ou al-ra'it. C'est ce qu'on utilise pour faire parler de la sortie de l'urine ou de la défection. Tamam? Ou de la défection. Et c'est comme en français. Faire ses besoins, c'est comme c'est la même chose. وَمَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ. Donc ça a été pris de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, si l'un d'entre vous s'assoit pour accomplir ses besoins ou son besoin. Donc après il y a différents termes employés en fonction des domaines de la science. Par exemple les fuqaha, les gens du fiqh, ce chapitre il appelle comment? Bab al-istitaba. Al-istitaba. Mita. Et par exemple, dans Ramdat al-Ahkam, par exemple, Ramdat al-Ahkam, c'est comme ça le chapitre. Al-istitaba. C'est pas quand al-haja. C'est istitaba. Quand même. Donc ça, c'est chez les gens du fiqh. Bab ou al-istitaba. Chez les muhadithoun, les gens du hadith, on dit Bab al-takhalli. Babu al-takhalli. Qui vient de al-khala. Tamam? Babu al-takhalli. Qui vient de al-khala. Al-khala, c'est le fait d'accomplir les besoins également. Et on peut également trouver le terme al-tabarruz. Al-tabarruz. Et les trois au même sens. Ce qui revient à la question des besoins. Fulani takhalli, c'est il fait ses besoins. Fulani tabarraz, c'est il fait ses besoins. Ama yastatim, c'est plutôt se nettoyer. Hein? C'est venu dans un hadith. Al-barazu fil mawalid. Ça va venir, inshallah. Al-baraz, c'est ma'louf. Al-baraz, c'est tout ce qui touche à ça. L'infection et les urines. Donc on peut retrouver ces trois termes, c'est la même chose. Il ne faut pas être perturbé, dire mais c'est un autre chapitre, un autre chapitre je ne connais pas. Non, tu le connais, c'est le même. Qad al-haja, c'est al-istitaba, c'est al-takhalli et c'est al-tabarruz. Les trois termes sont employés. Donc il a commencé par le hadith de Anas ibn Malik. Qala al-hadithu athani wa thamanoun. An Anas ibn Malik radiallahu anhu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة أو خاتمة عفوا أخرجه الأربعة وهو معلول. Donc il dit selon Anas ibn Malik que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم lorsqu'il allait accomplir ses besoins il déposait son anneau rapporté par les quatre et il est défaillant. le hadith n'est pas yaum. Et il est munkar. Chia a jugé ce hadith comme étant munkar. C'est-à-dire munkar, on traduirait en français par il est rejeté, quoi. Il n'est pas accepté. Ça y est. Donc il dit الحكم المستفاد مستفاد من الحديث اولا ادخال ما فيه ذكر الله الى الخلاء le fait de rentrer une chose contenant le rappel d'Allah dans les lieux de défection. Donc les ulama voient que c'est recommandé de ne pas le faire en prenant comme preuve ce hadith qui est faible car ce khatam du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dessus il était écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Mohamed Rasulullah. Je crois qu'il y a écrit La ilaha illallah, Mohamed Rasulullah. Quelque chose, je ne me rappelle plus trop. En tout cas, Mohamed Rasulullah, c'était écrit. Est-ce qu'il y avait un petit shahada? Je ne me rappelle plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, le mot Allah, il est présent. Quand même, l'offre Jalala, Mawjoud. Et parmi la preuve également, autre que ce hadith, la parole d'Allah, où il dit. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب que celui qui exalte les emblèmes d'Allah que cela fait partie de la piété des cœurs. C'est-à-dire que c'est un verset qui amène à ne rien abaisser qui touche à la religion. Ce verset s'en sert par exemple pour dire d'éviter de mettre des choses sur le mashaf. Ou certains ulama qui pensent que c'est makruh de poser par terre directement à même le sol. Même. Ou même de l'avoir dans des situations qui ne conviennent pas au Bosraf. Ce verset-là est un fondement là-dedans. Ou tout ce qui touche au comportement dans le Masjid, par exemple. Hein, comme je ne sais pas moi. Il y a plein d'adillah détaillés et généraux à celui-là. Le fait de faire attention de passer dans le Masjid, la salade, tout ce qui vient à ça, respecter le Masjid. Et même autre emblème de la religion. Taïeb. Donc, Shawkani, il dit le hadith démontre qu'il faut purifier, du moins qu'il faut, qu'il ne faut pas rentrer tout simplement tout ce qui contient l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans des lieux comme par exemple les toilettes. Donc, le mushaf a plus forte raison. Car le mushaf contient la parole d'Allah. Donc, pour forte raison, tu ne rentres pas le mushaf dans des lieux comme ceci. Et certains même ont été jusqu'à dire qu'il est interdit, c'est haram, de rentrer le mushaf dans les toilettes. Sans besoin nécessaire. Quel besoin nécessaire tu pourrais avoir, par exemple, que tu n'as pas d'autre lieu de le poser? Par exemple, tu l'as dans ta poche, Mathalen. Ça, ça arrive souvent dans les lieux publics, dans les masajides. Je peux te rappeler à Demej dans les toilettes publiques. Par exemple, t'es arrivé, par le hammam, s'il y a une personne, tu peux encore le mettre en haut. Mais il peut tomber. Il y en a combien, justement, ils ont posé leur mosraf ou leur kutubo, et des fois, ils les oubliaient même. Et des fois, tu peux pas le faire. Des fois, le mur est trop fin. Et t'as nulle part où le poser. Et t'as besoin de toilette, Harry. Si jamais tu vas pas maintenant, ça va être chaud. Donc tu fais comment? Il n'y a personne pour dire, tiens, regarde-moi ça. Même si tu gardes ça, il dit, moi aussi aux toilettes. Comment je fais? Moi aussi aux toilettes. Moi aussi j'ai envie d'y aller maintenant, je suis pressé. Si je fais pas maintenant, ça va être chaud. La salade. Donc à ce moment, comment tu fais? Tu rentres avec. T'as pas le choix. Tu veux le poser par terre? Non. Tu veux le mettre où? T'as nulle part où le mettre. On peut te le voler aussi si tu poses quelque part. Malheureusement, on a une époque où les gens qui me parlent là, ils vont te le voler. Donc là, c'est un besoin. Là, ça rentre dans ce cas-là, là, c'est une darwa que tu rentres dedans. Parce que t'as envie d'aller aux toilettes, impérativement maintenant, t'as un mosah avec toi, et t'as nulle part où le poser. Tu rentres avec. Mathalan. Inch'Allah, il n'y a pas de péché sur toi. Mais le meilleur, c'est d'y penser à l'avance. Mais dis-moi, si tu n'y penses pas, t'es là, c'est quand t'as une envie pressante d'aller au hammam, ton mosah dans ta poche, t'as oublié que t'as un mosah avec toi. Hein? Mais celui qui peut y penser avant, c'est mieux. Il y pense avant d'aller au hammam, il le pose quelque part, par exemple, au masjid, il le pose dans un coin, il le pose à son sahib. Il dit, je reviens au hammam également mon mushaf. Ou mon, même les kutub de Moutoun, les Moutoun ou d'autres kutub qui contiennent de la science. Mais le mushaf, c'est ce qu'il y a de prioritaire. Non, taïeb. Donc, le khurasa de, par rapport à ce hadith, c'est d'éviter de rentrer tout ce qui contient l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les lieux de défection. طيب ثم قال في الحديث الثالث وثمانين وعنه أي أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. طيب donc selon Anas toujours رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il rentrait au lieu de défection, il disait « Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi des shayatines mâles et femelles. » Ça va me dire, inshallah, que « khubf » ou « al-khaba'i » c'est ça que ça veut dire. Rapporté par les sept. Donc dans les sept, il y a qui ?« Al-Bukhari » et « Muslim ». Et le hadith, il est connu, même l'enseigne à nos enfants. Le hadith, il est connu, ce dua, il est connu. L'un des plus importants qu'il y ait dans la vie de tous les jours. Taïeb. Qala, al-masailu wal-ahkamu al-mustafalatu bil hadithi. Al-khubthu wal-khaba'ith. C'est le jam, le pluriel de khabith. Wal-khaba'ith, c'est le jam, le pluriel de khabitha. Et le khattabi dit, que ce sont les Ibn Hibban Afouen, il dit que ce sont les shayatin, mâles et femelles. Mâles et femelles. Donc, khubuth, c'est le djem de khabith. Et khaba'ith, c'est le djem de khabitha. Bien que le thème peut être employé de façon plus générale, comme ça va venir maintenant. Par exemple, والخبيثون للخبيثات كما قال تعالى والخبيثات les bons ou mauvaises les mauvais ou mauvaises et les خبيثات c'est le genre de quoi خبيثة c'est le même mot طيب après il fut également rapporté خبثون avec une سكون بالباء ساكن et pas خبث خبثون et il se dit que le sens c'est si jamais c'est lié à la parole, c'est lié à l'insulte. Si on dit kalam, on appelle ça khubth et non pas khubuth. Khubth, en parlant d'une parole, c'est une insulte. Parole mauvaise. Et si jamais c'est appliqué sur les religions, khubth, quand même, c'est le kouf, c'est la mécréance. Et si jamais c'est appliqué sur la nourriture, c'est celle qui est illicite, celle qui est haram. Et si jamais c'est appliqué sur les boissons, ce sont celles qui te nuisent. Pas mal ? Pas bien. Et le khaba'if, il vient également pour le sens de ma'asi. De ma'asi. Tout ce qui est comme acte blâmable. Donc, Nawawi, il rapporta que ce ذكر qu'il y a ijma qu'il est mustahab qu'il est recommandé et qu'il s'agisse que tu rentres dans un lieu isolé ou que tu rentres dans un lieu ouvert, naturel, dans la nature. Donc il dit, rapporté par Abdelhafiz, il dit comment tu le dis, à quel moment tu le dis ce ذكر, si jamais tu rentres dans un lieu isolé, tu le dis avant de rentrer dedans. Par exemple, tu as un hammam avec une porte et tout, avant de rentrer tu fais ce zikr, tu fais ce rappel. Et l'istirbab, c'est entré par la gauche. Par contre, on dit que tu es dans la nature. Tu es dehors et tu as besoin de faire tes besoins. Il dit comment tu le fais ? Au moment où tu enlèves tes vêtements. Tu le dis à ce moment-là. Et après, tu fais ce que tu as à faire. Et certains disent que tu le dis dans ton cœur. Tamam. Mais ça, Cheikh, après, il reprend disant que, pour celui qui, en fait, qui a oublié, enfin, qui a oublié de le dire, enfin, par exemple, il a oublié de le dire avant d'entrer au hammam ou dehors, il dit dans son cœur, au moment où il fait ce qu'il a à faire. Et donc, le Cheikh, il reprend en disant que non. Que le sti'aza, ça, c'est l'ofzan, c'est verbal. C'est comme le zikr, comme on l'a dit la dernière fois, le tasbir, tout ça, faut que tes lèvres bougent, faut que tu le prononces. Donc ça, tu peux pas le dire en même temps que tu le fais. Donc tu le dis pas. Après, il dit tabi, remarque. Il y a une version qui est venue avec le terme bismillah en premier. Et cette version, elle est chazza, elle est marginale. Les ulama disent que, elle est marginale. Bismillah, a'ouzou bika min al-khubthi, min al-khubuthi, ou al-khaba'ith. طيب اقول الحديث دقيق الحديث ورابع وثمانون مع انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعدسة فيستنجي بالماء متفق عليه donc ils disent انس toujours et pourquoi c'est انس qui apporte beaucoup ce genre de hadith pourquoi il y a des raisons les hadiths qui sont liés au fait quotidien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'était son serviteur. Donc il était lié à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était là sur la situation. Comme par exemple les hadiths qui touchent au rapport intime, au rapport conjugaux, ce qui se passe à la maison, c'est qui va rapporter le plus? Ses femmes. Et entre autres, Aïcha. Alors, c'est qui a rapporté le plus de hadiths. Donc quand tu connais le sahabi, et les relations qu'il a entretenues avec le Prophète sallam, tu peux voir dans quel genre de situation il va plus rapporter. Taïeb. Donc il dit que le Prophète sallam, lorsqu'il est rentré pour aller faire ses besoins, dans un coin, on va dire, je transportais moi et un autre garçon comme moi, hein, un récipient avec de l'eau et une lance, une petite lance. Anaza, c'est une petite lance. Et il se nettoyait avec l'eau. Yastanji bilma. Tayyib. Donc ce hadith, il a été mis, les ulama disent, comme le Hafiz ibn Hajar et d'autres, même le Bukhari l'a mis comme chapitre dans son Sahih, qu'il a été mis ici pour réfuter ceux qui nient le fait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit nettoyé avec de l'eau. Des gens ont dit que l'istinja fut accompli avec de l'eau. Et cela fut même apporté de certains sahaba. Amen. Parmi eux, Huzaifa, parmi eux, Ibn Omar, parmi eux, Ibn Zubayr, et autres. Et ça, c'est tout simplement du fait qu'ils n'ont pas eu la hujja. Amen. Mais d'autres ahadiths clairs sont venus pour le démontrer, comme celui-ci. Comme celui-ci. Et certains aussi ont vu qu'il était makrouh, détestable d'utiliser l'eau pour se nettoyer, car l'eau fait partie des choses dont on se nourrit, on s'alimente plutôt, on va dire. C'est notre nutrition quotidienne, on a besoin d'eau. Donc ils disent, comment on se sert de cela pour faire des choses, pour se purifier, par exemple des najasa. Que l'eau a plus de valeur. On dit, non. Les hadiths sont là pour démontrer que non. Et en plus, n'est pas forcément tout eau potable. Mais qu'à leur époque, l'eau était potable. C'est nous aujourd'hui qu'il n'y a pas d'eau potable. À leur époque, il n'y a pas d'eau contaminée ou polluée. Il n'y a pas de produits comme maintenant, quoi. En général. À part peut-être le puits dans lequel ils jetaient toutes leurs... par exemple, les femmes jetaient toutes leurs langes, ce genre de choses, où il y avait le sang des haïds, tout ça. Mais sinon, à la base des sources, c'était de l'eau potable. Il n'y avait pas d'eau comme chez nous. Il n'y avait pas d'égout. Il n'y avait pas d'usines, d'entreprises, des choses comme ça où l'eau elle n'est pas potable. Tout eau qui venait chez eux, c'était de l'eau potable. S'ils trouvaient de l'eau là-bas, c'était de l'eau qui était bonne pour boire. À maintenant, à notre époque, c'est pas pareil. Enfin, attention. Demain, par exemple, tu as la Seine, tu vas pas aller boire dans la Seine. Même le Nil, en Égypte, tu vas pas boire du Nil directement. Sinon, t'entends avoir des problèmes par la suite. À la Kulline. Taïeb. Donc, ce hadith est venu en guise de réfutation pour qui voit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait l'istinja avec de l'eau. Taïeb, également, où est la faïda de Al-Anaza? la petite lance. Pourquoi est-ce que Anas l'a transporté? C'est parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'istidja avec l'eau, il faisait l'ozo, et la lance, il faisait une soutra pour faire salat après. Vous voyez? La lance, il appelait pour faire quoi? Faire une soutra pour faire salat après. Parce que les ulama, ils ont expliqué. Donc là, de ce qu'on a pris aujourd'hui, qu'il est détestable d'entrer des choses contenant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les lieux de défection. On a pris le dua à prononcer avant de rentrer au hammam pour accomplir ses besoins. Et d'ailleurs, ce dua, c'est une protection, car celui qui ne le dit pas il peut se trouver en situation incommode avec des djinns ou autres qui pourraient avoir le dessus sur lui par la suite. Donc ça c'est aussi pareillement une bab pour les gens qui ont des wasawis, qui ont peur du aïn, qui ont peur du sir, toute chose. On leur dit, toi, sta'in billah, allez, on cherche de l'aide de prendre Allah, fais tes afkar quotidien, crains Allah dans tes actes, évite les péchés, fais tes ibadah comme il faut régulièrement, et après le reste c'est quand Allah m'a fait. Ça sert à rien de vivre dans la hantise, dans la parano. Qu'on te jette un aïn, qu'on te fasse du sir, ce genre de choses. Fais ce que tu as à faire. Tu t'en moques à Allah. Toi, tu prends les asbab. C'est quoi les asbab? Les asbab, c'est pas par exemple, demain, j'ai pas une bonne voiture, tu la caches de tout le monde. Dis là. Allah, il aime boire, comme c'est dans les hadiths, les preuves de sa largesse sur son serviteur. T'as une belle voiture, pourquoi tu la caches? Si c'est là que t'as donné, tu l'as pris avec de l'argent halal. De façon légiférée. T'en fiché. Toi, le matin en partant, en te levant, en te réveillant, fais ce que tu as à faire, après fais ta vie. Fais ta vie. Les enfants, des fois, ils ont des enfants, ils le cachent tout le monde. Ils le couvrent avec des couvertures et tout pour pas que les gens le voient, de peur que l'enfant ait l'aïd. On dit non. Les sahabas, ils faisaient ça. Toi, fais tes afkar. Fais tes afkar. Ton enfant, les gens vont vouloir le voir, de toute façon. Les visites, tu vas avoir, les soeurs vont venir voir le bébé, les frères, les soeurs vont venir, la famille vont venir. Tu fais quoi? Tu veux les cacher? Tu veux cacher le bébé? Tu mets dans une boîte, non, vous ne le regardez pas, vous ne qu'il y a un raid. Fais tes afkar et arrête. Après, le reste, c'est mis dans Allah. Ça ne sert à rien de cacher comme ça. Et en même temps, évitez également de trop s'exposer à des choses dont il n'y a pas besoin. Par exemple, tu regardes les koufars, comment ils sont, tout ce qu'ils ont de beau, ils veulent le montrer. Malheureusement. Tu vois? Tout ce qu'ils ont de beau et d'attirant, ils veulent le montrer. On te dit, toi, fais ce que tu as à faire, là, il faudra tout la taflet. Pas d'exagération, pas de négligence. Et tu regardes les koufars comment ils vivent, eux, ça y va, tout va. Les hommes, dès qu'ils ont un nouveau truc, il faut que ça le montre. Par exemple, tu vas voir, surtout aux États-Unis, ils aiment bien mettre les logos des marques en gros. Tu vois? La marque qui a fait Intel, tu vois le gros logo là, comme ça, on voit bien que c'est quoi la marque. La femme, par exemple, ses chaussures, ses genres de maquillage, elle va tout montrer direct. La coiffure. Nouvelle coiffure, hop, elle sort dans la route directe. Et s'il y a un coup de vent, c'est la fin du monde pour elle. Donc, et ces gens-là n'arrivent pas à une chose. Les autres le regardent, ils ont envie, et ils les regardent, parce que souvent les koufas, ils n'ont rien à faire, justement. Ils sont jaloux, à la base. Donc, il ne va pas dire, oh, c'est pas bien, je veux du mal. Il va dire, je lui veux du mal. Je lui veux du mal. Il te dit clairement, enfin, il ne va pas te dire clairement, mais au fond, lui, je lui veux du mal. Une femme, une femme plus belle qu'elle, elle va lui voir du mal. Elle a de plus beaux cheveux qu'elle, de plus beau visage qu'elle, de plus beau corps qu'elle. Elle va la regarder et elle va lui mettre un haïd sans s'en rendre compte parce que les confins, ils n'y croient pas trop, haïd, en général. Mais tellement ils vont envier, on va mettre un haïd. Et après, le lendemain, tu entends que l'autre est en chaise roulante. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, hier, tu as joué la belle devant tout le monde, bah voilà. L'autre, c'est une nouvelle voiture, il s'est pris un arbre direct, il n'a pas compris pourquoi. C'est un pilote, il a son permis et tout, et je contrôle, bah. À force de mettre la sono à fond et de rouler lentement là où il y a plein de gens, bah, t'es pris un ride, ça se trouve. Voilà. Combien de fois on va voir des femmes marcher des talons aiguilles, puis elles se craquent. Et pour toi, dans là, elles s'entraînent. Hein. Elles s'entraînent à marcher. C'est un art de marcher chez les mannequins, tout ça. Avec des gros talons comme ça et tout. Bah, dans là, elles marchent, mais avec tout, craque la cheville. Non seulement la honte devant tout le monde, parce que c'est le couffard, tu connais, donc, un truc comme ça, c'est la honte. Parce qu'elle joue la baie, donc tout le monde tombe par terre. Et en plus, elle se fait tordu la cheville et elle a cassé son talon de cette nouvelle chaussure. C'est fléau sur elle. Et en plus, les chaussures font du bruit quand elles marchent. T'entends bien au loin. tu sais que c'est femme qui arrive, t'entends tac tac tac, tu vois, ça c'est pas un homme qui arrive. Ou alors c'est genre d'homme, je sais pas c'est quoi. Eh ben ça loupe pas, une femme la regarde, c'est quoi ses chaussures. Et si c'est une femme qui a un rein qui est puissant, elle te le met. Parce que chez les koufals, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'afkar. C'est mieux que Allah le protège de lui-même comme ça. Il n'y a pas qu'un que toi, tu seras pas un rein, mais il n'y a pas d'afkar chez les koufals. Il n'y a pas d'istiaz billah. Donc le haïd, il dit, ça y va, ça y va. Et nous, on ne se rend pas compte, mais attention, ils vivent là-dedans. Combien ils achètent de nouveaux objets, je ne sais pas, ils ont acheté un nouveau portable, il est devant tout le monde, il frime. Et là, le portable, il est bloqué, il ne marche plus. Il l'a acheté hier, je ne comprends pas pourquoi il ne marche plus. Bah, hier, tu es en train de faire le devant tout le monde, il y en a, il t'a porté un haïd, le portable, il ne marche plus. Ou il est tombé par terre, pas qu'il s'est cassé. Hein? C'est pour ça qu'ils ont mis en place le système après-vente. Oui. Ouais, bah, le haïd, ils sont plongés dedans, les coffres. Ils sont plongés dedans, les coffres, mon frère. Pourquoi ils sont en train de combattre contre plein de maladies? Plein de maladies, elles viennent comme ça, par le haïd. Mais bon, là, c'est pas encore parmi les diamants de l'islam. Dans quoi on vit? C'est-à-dire des choses qu'eux, ils comprennent pas, nous, on a les solutions. Pendant qu'eux, ils cherchent les solutions de ce bas monde, nous, on a celle de l'au-delà et celle de du monde invisible. Bifadlillah, de ce que Allah nous a enseigné dans son livre et dans la solution de ce message. Ils veulent pas y croire, ils vivent dans les problèmes. Regarde, vicre comme celui-ci en allant au hammam. Combien de fois tu vas au hammam toute la journée? Combien de fois tu y vas? Combien de fois tu y vas? Et le hammam, le lieu sale, c'est le lieu où les djinns, plutôt les shayatines, parce que les djinns, c'est pas tous des shayatines, les shayatines se réunissent dans les lieux sales comme ça. Donc quand ils rentrent dans le hammam, en plus c'est koufar, le hammam, c'est, ils dorment dans le hammam. Son téléphone, son magazine, sa télé. Tu vois, c'est le deuxième appart, c'est le hammam. Même il mange dans le hammam, il fait ça dans le hammam. Il fait même pire que ça dans le hammam. Taïeb, il va au hammam, il ne connaît pas ce zikr. Eh ben, il subit ce qu'il a à subir par la suite. Il ne sait pas tout ça. Sans compter qu'il ne fait pas l'estidja. Il fait ce qu'il a à faire. Quand il urine, par exemple, il se lève, hop, il remet son caleçon, il s'en va. C'est tout. Ou il prend son papier toilette et il fait ce qu'il a à faire. Ça ne suffit pas, ça. Tu vois? Donc ça attire les shayatines, tout ça. Et nous, alhamdoulilah, l'islam, on n'a pas ça. À la base, si tu appliques bien la sunna, quand vous dites que tu es afkar ou quoi, ce genre de choses, Inch'Allah, elles ne te nuisent pas. Après, si ça arrive, c'est qu'Allah l'a voulu t'éprouver. C'est tout. Voilà. Après, Inch'Allah, bien d'accord avec ta fille. On avait dit également, Wenam, le troisième hadith qu'on a pris, c'est pour démontrer que l'estinja se fait avec de l'eau, à la base. Mais ça va venir avec plus d'utensiles dans les cours suivants. Inch'Allah ta'ala. Tamam. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.